بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 70 dans l'explication du livre de Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Et on est arrivé dans le livre du Cheikh aujourd'hui à un nouveau chapitre au sujet de الإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب في أركان الإيمان. Donc on a terminé, on a expliqué الإيمان بالله, la foi en Allah. On a expliqué الإيمان بالرسل, la foi en les messagers. Et maintenant on commence le chapitre au sujet de la foi en les livres. الإيمان بالكتب. Et donc le Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen رحمه الله, il dit: فصل ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعالمين يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. Donc le Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit maintenant, il dit: nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ses livres, il a révélé ses livres sur ses messagers, et il a révélé ces livres-là comme une preuve contre les hommes, contre les mondes, et un argument pour les mondes. Et avec ces livres, il leur enseigne la sagesse et il les purifie. Les prophètes, ils enseignent aux hommes par ces livres la sagesse et ils les purifient. Donc le Cheikh, il explique ça. Maintenant on va lire l'explication. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, il dit: ايضا نؤمن بالكتب وان كل رسول معه كتاب قال الله تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وعلى هذا يكون كل رسول معه كتاب ولا يلزم أن يكون مع كل نبي كتاب فنؤمن بأن مع كل رسول كتابا والشواهد في هذا كثيرة وذلك أن كل رسول له أمة خاصة ينزل لها كتاب خاص بشرائعهم كما قال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Donc le Cheikh Ibn Uthaymeen, il explique que donc il faut donc croire au livre d'Allah. Nous devons croire au livre d'Allah. Et à chaque messager, il y a eu un livre. Chaque messager est venu avec un livre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans différents versets, dans le verset 25 dans Surat al-Hadid, il dit ce qui signifie: et nous avons envoyé nos messagers avec les preuves claires, et nous avons fait descendre avec eux les livres. Et dans le livre. Et dans un autre verset, le verset 213 dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: les hommes formaient une seule nation, une seule communauté, puis Allah a fait susciter parmi les hommes des prophètes pour annoncer la bonne nouvelle et pour les avertir, comme annonciateurs d'une bonne nouvelle et avertisseurs, et il a fait descendre avec eux le livre. Et Cheikh, il dit ensuite donc: tout messager, chaque messager vient avec un livre. Mais ça ne veut pas dire que chaque prophète vient avec un livre. C'est pas tous les prophètes, ils viennent pas nécessairement avec un livre. Mais les messagers, ils viennent avec un livre. Et les points qui indiquent ça sont nombreux. وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ رَسُولٍ لَهُ أُمَّةٍ. Chaque messager, il a une nation spécifique à laquelle il est envoyé avec des lois et des législations qui leur sont spécifiques. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 48 dans sourate Al-Ma'ida: likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. C'est-à-dire à chaque nation, nous avons envoyé une loi, une législation et une voie à suivre. Et ensuite, le cheikh, il explique, il dit, وَقَوْلُهُ حُجَّةً عَلَى الْعَالَمِينَ وَمَحَجَّةً لِلْعَالَمِينَ يعني مَحَجَّةً طَرِيقًا فَالْكُتُبُ حُجَّةٌ وَمَحَجَّةٌ حُجَّةٌ يعني بَيِّنَةٌ تَقُومُ عَلَى الْعِبَادِ لا عذر بعد ذلك لا عذر بعد ذلك ومحجة أي طريقا يسلكه العالمين. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé les livres comme une hujja, c'est-à-dire comme un argument et une preuve contre les hommes, c'est-à-dire que une fois que Allah subhanahu wa ta'ala a établi cette preuve contre les hommes n'ont plus d'excuses par la suite. C'est-à-dire que les hommes n'ont plus d'excuses par la suite, ils ne peuvent plus dire « on ne savait pas ». Parce que la preuve a été établie maintenant contre eux. Et « al-mahajja »« wa mahajjatan lil-alamin »« al-mahajja » c'est le chemin, c'est la voie. Donc il a révélé le livre comme une voie que les hommes doivent suivre. Et il dit ensuite وقوله ويعلمون ويعلمونهم بها الحكمة ومن أحكم الحكم أن تعبد الله وحده لا شريك له لأنك إذا عبدت الله وحده لا شريك له فقد وضعت العبادة وضعت العبادة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وضعت العبادة موضعها والحكمة يقال فيها هي وضع الأشياء في موضعها. Donc le cheikh il dit que il leur enseigne par les livres la sagesse. Il dit et parmi les plus grandes sagesses, c'est le fait de nous avoir enseigné qu'on doit adorer Allah seul et qu'on ne doit pas lui donner des partenaires dans l'adoration. Donc lorsque tu as adoré Allah seul et que tu n'as pas donné aucun partenaire à Allah, alors dans ce cas-là tu as mis l'adoration à l'endroit où elle doit être. Tu as mis l'adoration, l'ibad, à sa place. Et il dit, et donc la sagesse dont il est question ici, c'est de mettre les choses là où elles vont. C'est ça la signification de la sagesse, de mettre chaque chose à leur place. Et le cheikh il continue, il dit وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَى كُلِّ رَسُولٍ كِتَابًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ يعني ونعلم من هذه الكتب التوراة أولا التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام وهي أعظم كتب بني إسرائيل يقول تعالى فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. Donc le cheikh il dit ensuite que on croit que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre sur les messagers des livres. Et parmi les versets que le cheikh il mentionne à ce sujet-là, le verset 25 qu'on a cité tout à l'heure dans sourate Al-Hadid, nous avons fait descendre les messagers, nous avons envoyé les messagers et nous avons envoyé les messagers avec des preuves claires et nous avons fait descendre avec eux les livres et la balance pour que les hommes puissent établir la justice, pour établir la justice parmi les hommes. Et parmi les livres, nous savons qu'il y a At-Tawrah et At-Tawrah c'est le livre que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Moussa alayhi salam. Et c'est un des plus grands parmi les livres de Bani Israël. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit At-Tawrah dans le Coran en disant à son sujet dans Sourate Al-Ma'idah, le verset 44. On va lire ensemble le verset. Il dit, nous avons fait, il dit ce qui signifie, nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes de Bani Israël se sont soumis à Allah, hein, ainsi que les rabbins et les docteurs, hein, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs, car ils leur ont confié la garde du livre, car on leur a confié la garde du livre et ils en sont les témoins. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَا. Donc, ça c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de la Torah. Cheikh Ibn Uthaymin, il commente ce point-là et il dit, par rapport à qu'est-ce qu'on a mentionné aussi par rapport au fait que Allah, le Cheikh, il a dit وَيُزَكُّونَهُمْ tout à l'heure, j'avais oublié de lire cette partie-là. قَوْلُهُ يُزَكُّونَهُمْ أَيْ يَشْهَدُونَ لَهُمْ بِالْعَدَالَةِ والصدق أو يعلمونهم العدالة والصدق. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a envoyé les messagers avec les livres pour leur enseigner la sagesse et pour les purifier. C'est-à-dire que le livre témoigne pour eux de leur justice, de leur honnêteté, de leur sincérité, de leur véracité, et leur enseigne la justice et l'honnêteté. Et en ce qui concerne le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le livre, et que parmi les livres qu'il nous a révélés, il y a la Torah, il mentionne le verset qu'on a lu à propos de la description de la Torah, وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَا وَالَّذِي نَعْلَمُهُ مَكْتُوبًا فِي التَّوْرَاتِ أُمُورٌ مِنْهَا فِي الْقِصَاصِ. قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره وفيها صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبة في التوراة والإنجيل. قال تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. Donc le cheikh il explique que parmi les choses qui sont mentionnées dans la Torah, il y a Al-Qisas. Al-Qisas, c'est quoi? C'est la loi du talion en français. Et la loi du talion, c'est exprimé par exprimé par l'expression qu'on dit souvent, œil pour œil, hein, œil pour œil, vie pour vie, dent pour dent. C'est ça l'expression. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans le verset 45. Lorsqu'il dit وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ إِلَىٰ آخِرِهِ. Donc ça c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne la Torah, dans la Torah, que dans la Torah il y avait ces règles là qui étaient prescrites. Nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion, hein, wal juruh qisas. Hein, ça s'appelle en arabe al-qisas. Et ça fait partie des lois de la Torah, et c'est dans la charia de l'islam aussi. Hein. Et il dit qu'il y a également dans le Coran, dans la Torah, il y avait également la description du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que dans la Torah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait l'annonce, il avait révélé l'annonce de la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de sa description aussi. Et c'est ce qu'il mentionne dans le verset 157 dans Surat Al-A'raf. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Na'am, le prophète illettré qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et dans l'Évangile. Donc ça c'est la preuve que il était mentionné. Et il dit, il leur ordonne le bien et il leur interdit le mal, leur rend licite les bonnes choses et leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Donc ça c'est parmi les descriptions qui ont été mentionnées dans la Torah à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous regardez dans les versets de la Bible qui existent aujourd'hui chez les juifs et chez les chrétiens, que ce soit dans l'Ancien Testament, hein, eh bien, ou bien dans le Nouveau Testament par rapport à certaines règles, vous trouvez que ces choses-là sont effectivement mentionnées encore aujourd'hui. Hein. Donc si vous regardez par exemple les lois du talion, eh bien vous les retrouvez encore aujourd'hui dans l'Ancien Testament. C'est encore mentionné. Sauf qu'ils ne les appliquent plus. Les chrétiens et les juifs, ils ont abandonné les règles de leurs livres. Et en ce qui concerne la mention de la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien elles sont encore aujourd'hui mentionnées dans leurs livres. Elles sont encore aujourd'hui présentes dans leurs livres. Sauf que, soit qu'ils ne savent pas, ou soit qu'ils essaient de déformer le sens de ces descriptions-là pour les attribuer ou pour les appliquer à quelqu'un d'autre. Ou bien, parfois, ils disent la personne qui est mentionnée ou qui est décrite, elle n'est pas encore venue. Des fois, ils disent elle n'est pas encore venue. Sauf que lorsqu'on regarde clairement la description, on voit que ça s'applique parfaitement à l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si on aurait plus de temps, j'aurais mentionné quelques exemples. Hein? Peut-être la prochaine fois, inshallah. Et le cheikh dit: وَالْعَجَبْ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلِ لِخُبْثِهِمْ وَمَكْرِهِمْ وَكُفْرِهِمْ جَحَدُوا ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ محمد عليه الصلاة والسلام بل قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وخص الأبناء لأن الابن في قلب أبيه أغلى من البنت فهو يعتني به أكثر فهم يعرفون أبناءهم ولكن والعياذ بالله لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. Donc le cheikh il dit, et ce qui est étonnant par rapport à Bani Israël, à cause de leur mauvais, le fait que c'est des gens qui sont mauvais, et à cause de leur ruse et de leur mécréance, ils ont renié ces descriptions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans leur livre, alors que c'est présent dans la Torah et dans l'Injil, dans l'Évangile. Et on mentionne donc la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, verset 146, dans surat al-Baqarah, ils le connaissent comme ils reconnaissent leurs enfants, leurs propres enfants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh dit, il mentionne les fils, ou le fils, ou les enfants, leurs propres fils. Pourquoi? Parce que le fils, il est plus proche du cœur de son père que la fille, et ils donnent plus d'attention à leur fils qu'à leur fille. Donc quand il mentionne à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que quand il dit les juifs et les chrétiens ou les gens du livre, ils reconnaissent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme ils reconnaissent leur propre fils, c'est-à-dire ils savent que c'est un prophète, ils savent que c'est un messager. Quand ils entendent son message, ils voient que c'est un message qui vient du même Dieu, du même Créateur. Ils savent que c'est un message qui vient d'Allah. Mais à cause de leur orgueil, de leur arrogance, de leur jalousie, ils ont refusé de l'accepter. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, lorsque la vérité leur sont venues, ils l'ont reconnue, mais ils ont refusé d'y croire. Ils ont rejeté la foi. Et le cheikh il dit: فَنُؤْمِنُوا بِالتَّوْرَةِ أي بِأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ كِتَابًا يُسَمَّى التَّوْرَةِ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَكِنْ هَلْ هِيَ التَّوْرَاةُ الْمَوْجُودَةُ فِي أَيْدِي الْيَهُودِ الْيَوْمِ الجواب لا لأن التوراة الموجودة عند اليهود اليوم محرفة قطعا إذ إن التوراة الحقيقية فيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصافه ووجوب الإيمان به وكل هذا جحده اليهود ولكن نؤمن بأن الله أنزل على عبده موسى كتابا يسمى التوراة. Donc le cheikh il dit, donc nous devons croire à la Torah. C'est-à-dire qu'il y a un livre que Allah a révélé et qui s'appelle la Torah, et que ce livre-là a été révélé à Moussa alayhi salam, le prophète Moïse, hein, qui est un des messagers d'Allah. Mais par contre, est-ce que cette Torah en laquelle nous croyons, est-ce que c'est celle qui est présente aujourd'hui entre les mains des Juifs? Le cheikh il dit non. Ce n'est pas celle que les Juifs possèdent aujourd'hui, puisque la Torah que les Juifs possèdent aujourd'hui a été falsifiée, a été changée. À la prochaine, inshallah. Barakallahu fik. Elle a été falsifiée et changée. Ça, il n'y a pas de doute. Et le Cheikh, il dit, donc dans la réelle Torah, et dans la vraie Torah, il y a la mention du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses descriptions, et de l'obligation de croire en lui, et yani, tout ça, les Juifs le renient et le rejettent. Mais nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sur son serviteur Moussa alayhi salam un livre qui s'appelle la Torah. Et le cheikh il explique ça, et en même temps il y a dit certaines caractéristiques et certaines descriptions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont présentes malgré tout dans la Torah encore aujourd'hui, celle qui est falsifiée. Et comme on avait déjà expliqué ça dans les cours précédents, on avait dit que même si le livre n'avait pas été falsifié, hein, eh bien ils auraient quand même, malgré tout, ils n'auraient pas d'autre choix que de suivre le Coran. Parce que le Coran est venu abroger les livres précédents. Le cheikh il dit ensuite, الإنجيل والإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه السلام وهو مصدق للتوراة ومتمم لها. Donc le cheikh il dit, et parmi les livres auxquels on doit croire, il y a aussi le livre qu'on appelle Al-Injil, qui est l'évangile en français, qui a été révélé à Isa, hein, le prophète Jésus عليه السلام, qui vient confirmer qu'est-ce qui est dans la Torah et compléter ce qui est dans la Torah. Et le cheikh Ibn Uthaymeen il commente sur ce point-là et il dit wa qawluhu al-thani al-injil alladhi anzalahu Allah ala Isa alayhi salam wa huwa musaddiqun lit-Tawrat wa mutammimun laha wa hadha al-kitab mutammimun للتوراة لأن الأم في كتب بني إسرائيل هي التوراة وهو متمم للتوراة لقوله وآيات وآتيناه الإنجيل أي أعطيناه إياه هدى ونور فإذا قال قائل كيف الجمع بين قوله تعالى وآتيناه الإنجيل وبين كونه منزلا فالجواب أن قوله أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان فيها تسريح بأن الله أنزل الإنجيل كما أنزل التوراة والقرآن وكونه أعطاه إياه هو كقوله تعالى وآتينا داود زبورا وما أشبه ذلك مما يذكره الله تعالى إيتاء. Donc le cheikh explique que donc cet évangile qui a été donné à Isa alayhi salam, elle vient compléter la Torah, parce que la base chez les Bani Israël, chez les fils d'Israël, c'est la Torah. Puis qu'est-ce qui vient, il y a des livres qui viennent compléter la Torah, par exemple Al-Injil. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos de Al-Injil, wa ataynahu, nous lui avons donné, c'est-à-dire à Isa, Al-Injil, hudan wa nur, hein, et il y a dedans guidance et lumière. Il dit, si quelqu'un te demande donc, comment réunir entre les deux versets dans lesquels il dit qu'on lui a donné l'Injil et le fait qu'il soit révélé. Et yani, le shaykh, parce que en arabe révélé, c'est on emploie l'expression munazzal, c'est-à-dire qui est descendu, qui a été descendu. Et le shaykh il explique que dans ce verset là, c'est le fait que il a été donné à Taynahu, nous lui avons donné, mais dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne qu'il l'a fait, il a fait descendre la Torah et l'Injil aussi, ainsi que le Coran. Comme dans le verset dans Surat al-Baqarah, le verset 185, وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ. Non, ça c'est dans Surat al-Imran, le verset 3 et 4. وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانِ. Donc des fois, dans cette édition, j'ai remarqué plusieurs fois, il y a des fautes dans les références des versets. Ils n'écrivent pas les bonnes sourates. Non, donc, ça, dans ce verset-là, il y a l'explication claire et précise que c'était révélé, c'est-à-dire que c'est descendu. Anzala wa anzala Taurata wa l'Injil. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut utiliser parfois le terme donner et le terme faire descendre aussi, les deux. Comme il dit à propos de Az-Zabur, wa ataina Daoud Az-Zabura. Et nous avons donné à Daoud Az-Zabur. Hein? Et ainsi de suite. Après, il cite le verset 46 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ataynahu l'injila fihi hudan wa nour. ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. C'est le verset 46 dans Sourate Al-Ma'idah. C'est-à-dire, nous lui avons donné, c'est-à-dire à Isa ibn Maryam, Jésus le fils de Marie, l'évangile dans lequel il y a guidance et lumière qui vient confirmer ce qui était auparavant de la Torah, hein, une guidance et une exhortation pour les pieux, c'est-à-dire ceux qui se préservent du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shaykh il dit ensuite l'explication de ce verset. قال تعالى ومصدقا مع أنه وصف ولا يعطف الوصف على أصله يعني لو قال الإنجيل ومصدقا فمصدقا عطف على الإنجيل قلنا لا يصح ولكنها حال معطوفة على الجملة الحالية قبلها فيه هدى ونور أي نعم وإنما جعلنا هذه الجملة حالا لأن ما قبلها معرفة والقاعدة في اللغة العربية أن الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات ومصدقا أي حال حال كونه مصدقا لما بين يديه من التوراة والتصديق لما بين يديه له معنيان الأول أنه يشهد بصدق ما سبقه والثاني أنه يشهد بتصديقه أي أنه وقع تصديقا له فعلى الوجه الأول أنه نزل مصدقا لما سبقه يعني حاكيا بتصديقه بأن يكون ما سبقه قد أخبر به وقال سينزل كتاب على عيسى مثلا فيكون نزول هذا الكتاب على عيسى تصديقا للخبر الذي نزل في الكتاب الأول أما المعنى الثاني أنه يحكم بأن ما سبقه صدق فهذا سواء تعرض له الكتاب الأول أم لم يتعرض ونقول يشهد بأن الكتاب السابق حق وصدق وهكذا نقول في وصف القرآن بأنه مصدق لما بين يديه يعني يقول إن التوراة حق وإن الإنجيل حق أو أنه نزل تصديقا له لأن التوراة قالت سينزل قرآن على محمد والإنجيل قال سينزل قرآن على محمد بل ظاهر قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين أن هذا الإخبار كان في جميع الكتب والمسألة هذه تحتاج إلى تأمل لأنه قال وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. قد يقول قائل إن المراد بزبر الأولين هنا التوراة والإنجيل لقوله أولم يكن لهم آية يعلمه علماء بني إسرائيل وقوله وهدى وموعظة للمتقين يعني هدى دلالة وموعظة توفيق والهدى هنا يكون معناه الدلالة لأن الموعظة هي الامتثال وقوله للمتقين لأنهم هم المنتفعون به. Donc on va expliquer ça par rapport au verset. Le cheikh il explique le mot musaddiqan dans le verset. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Qu'il vient confirmer ce qui a été révélé auparavant. Et il dit que le cheikh il dit que ça c'est dans deux sens. Soit que il vient confirmer ce qui a été révélé auparavant dans le sens que le livre qui était révélé auparavant avait annoncé sa venue, et donc quand il vient, ça confirme la prophétie. Hein? Donc il était annoncé et il a été révélé tel que annoncé dans le livre précédent. Et dans l'autre sens, c'est que le livre qui a été révélé comme l'Injil, il confirme que la Torah était véridique. Donc il témoigne de la véracité du livre précédent. Donc ça peut être soit dans le premier sens ou dans le deuxième. Soit qu'il confirme le livre précédent, c'est-à-dire l'évangile confirme la Torah, dans le sens que dans la Torah, il y avait l'annonce de l'Injil, ou bien que dans le sens aussi que l'Injil témoigne de la véracité de la Torah. D'accord? Et c'est la même chose aussi pour le Coran. Puisque le Coran, il était annoncé dans les livres précédents, dans la Torah et dans l'Injil, et en même temps, le Coran vient témoigner de la véracité de la Torah et de l'Injil. Donc dans les deux, c'est quelque chose de véridique. Et le cheikh, il mentionne que même dans les autres livres précédents aussi, il y avait dans d'autres livres la mention de la révélation du Coran et que le Coran allait être révélé. Et il mentionne comme exemple de ça le verset 196 dans Sourate Ash-Shu'ara, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa innahu lafi zuburi l'awwalin » Et c'est-à-dire Yannick, qu'il est mentionné dans les livres précédents, dans les premiers livres. Et le cheikh, bon, il dit, il mentionne quelque chose à ce sujet-là. Je vais vous l'expliquer après, inshallah. Laissez-moi juste vous montrer le verset 180. On a dit 197. Dans Sourate Ash-Shu'ara, n'est-ce pas pour eux un signe que les savants. Oui, c'est ça. Le verset 196, c'est ça, 196. Et ceci était déjà mentionné dans les écrits des anciens envoyés, les premiers. Zubur al-Awwalin. Et il dit, le verset suivant, n'est-ce pas pour eux un signe que les savants des enfants d'Israël le sachent. Hein? Donc, pour dire que le livre était annoncé déjà dans les livres précédents. Et certains, cheikh, il dit, peut-être aussi que on pourrait dire que ça désigne également en réalité la Torah et l'Injil, puisque c'était mentionné dedans les savants de Bani Israël. Les savants de Bani Israël. À la kulli hal, le cheikh, il mentionne ensuite un autre verset. le verset 50 dans sourate Al-Imran, وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 50 dans sourate Al-Imran à propos de l'Injil qu'il vient rendre halal certaines des choses qui avaient été interdites aux fils d'Israël. Parce que dans la Torah, il y a des choses qui ont été interdites aux Juifs à cause de leurs transgressions et de leurs péchés. Allah subhanahu wa ta'ala les a punis par ces interdictions-là et leur a rendu la religion plus difficile à cause de leurs péchés et de leurs transgressions. Donc ces choses-là, à la base, elles n'étaient pas interdites. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit pour les punir, parce qu'ils transgressaient à chaque fois. Et Allah leur a rendu la religion difficile comme une punition pour eux à cause de ça, parce qu'ils transgressaient et ils étaient arrogants. Ils refusaient de se soumettre. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé donc dans l'Injil des choses pour permettre certaines choses qui leur avaient été interdites à la base. Ou bien qui étaient permises, mais qui avaient été interdites comme une punition. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu leur faire miséricorde et leur permettre certaines des choses qui leur avaient été interdites. Et c'est pour ça qu'il dit donc dans ce verset-là que il est venu pour leur permettre certaines choses qui leur avaient été interdites. Il dit ensuite وَقَالَ تَعَالَى فِي وَصْفِ عِيسَى وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِذَنْ فَهُوَ مُكَمِّلٌ وَلِهَذَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي الْإِنْجِيلِ بَعْضَ مَا كَانَ مُحَرَّمًا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلِ وهل الإنجيل الذي في أيدي النصارى اليوم هو الإنجيل الذي نزل على عيسى الجواب لا بل هو محرف ومغير ومبدل ومحرف مغير مبدل. Le Cheikh il dit donc l'Injil il est venu pour rendre licite certaines choses qui avaient été interdites à Bani Israël, donc il vient compléter, il vient compléter la révélation de la Torah et pour rendre licite certaines des choses qui avaient été interdites aux fils d'Israël. Et est-ce que l'Injil qui existe aujourd'hui entre les mains des chrétiens, est-ce que cet Injil c'est celle qui était réellement révélée à Isa? Est-ce que c'était l'Injil authentique qu'ils ont aujourd'hui? Et le Cheikh il dit non, elle a été falsifiée et changée. Et le Cheikh il dit ensuite, parmi les livres il y a Az-Zabur alladhi ataahu Allah ta'ala Daoud alayhi salam. Et parmi les livres qui ont été révélés, il y a le livre qu'on appelle Az-Zabur, qu'on traduit, ou bien qu'on désigne chez les juifs et les chrétiens, ils appellent les livres de Daoud, ils appellent les psaumes. Ils appellent les psaumes. Donc, Az-Zabur. Et c'est le livre qui était révélé à David, le prophète David. Le Cheikh, il dit, Az-Zabur bima'na al-kitab. Az-Zabur bima'na al-kitab. قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وهذا قد يكون موجودا في بعض الكتب القديمة وغالبه مواعظ وزواجر. Le Cheikh il dit donc que le mot Zabur, ça veut dire livre. C'est dans le sens du livre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 105 dans Sourate Al-Anbiya, nous avons écrit dans Az-Zabur, c'est le verset 105 dans Sourate Al-Anbiya, je vais vous sortir le verset. Nous avons certes écrit dans Az-Zabur, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Non. Donc, Az-Zabur est mentionné, puis il y a d'autres versets, comme on le verset qu'on a lu tout à l'heure, « Wa ataina Daoud Az-Zabura », le verset 163 dans Sourate An-Nisa. « Wa ataina Daoud Az-Zabura ». Il dit, le cheikh il dit, ça, c'est possible que ce soit dans les livres anciens, et la plupart de ce qui était mentionné dans ces livres-là, c'était des exhortations et des choses à respecter, des règles à respecter, des choses à des interdictions et des exhortations. Le cheikh dit ensuite صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام. Parmi les livres, il y a aussi qu'est-ce qu'on appelle صحف إبراهيم وموسى. C'est-à-dire les feuilles ou les pages de Ibrahim et de Moussa عليهما الصلاة والسلام. Et le cheikh il dit à ce sujet-là: قوله والرابع صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام وصحف موسى قيل إنها التوراة وقيل غيرها والله أعلم ولكن نقول كما قال الله تعالى صحف إبراهيم وموسى فإن قال قائل لماذا قدم صحف موسى وهي متأخرة عن صحف إبراهيم في قوله أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وفي سورة الأعلى قدم صحف إبراهيم قلنا دائما أذكر أن القرآن نزل بأعلى البلاغة وأن تناسب الكلام ولو بالألفاظ ونبراتها من البلاغة فهنا قدم صحف إبراهيم في سورة الأعلى لأنها مناسبة لرؤوس الآيات وفي الثاني قدم صحف موسى وأخر صحف إبراهيم لأن الله تعالى وصف إبراهيم بأنه الذي وفى والله أعلم بما أراد في كتابه كل هذا نؤمن به ونصدق ولكن لا يلزمنا أن نؤمن بما في أيدي هؤلاء الكفرة لأنها مبدلة ومغيرة. Donc le cheikh il dit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, il dit donc que les livres, les pages de Ibrahim et de Moussa alayhim as-salatu wassalam, donc ils disent que les pages de Moussa, c'est probablement à Torah. Allahu A'lam. Certains ont dit que c'était autre chose. Mais le cheikh il dit c'est probablement la Torah. En ce qui concerne les pages d'Ibrahim, bon, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 19, dans surat Al-A'la, « Suhufi Ibrahim wa Moussa ». Donc ici, il mentionne Ibrahim en premier, les pages d'Ibrahim en premier, après il mentionne Moussa. Et dans l'autre verset, dans surat Al-Najm, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Am lam yunabba bima fi suhufi Moussa wa Ibrahim alladhi waffa ». Et donc, il pose la question, le cheikh, pourquoi ici on mentionne les pages de Moussa avant celles d'Ibrahim, alors que Moussa était avant Ibrahim était avant Moussa. Et le cheikh, il dit que ça fait partie des exemples de du style et de la rhétorique du Coran. Et que chaque parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, eh bien, il respecte une certaine éloquence, une certaine rhétorique. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a formulé de cette manière-là par rapport à qu'est-ce qu'il voulait dire. Et donc, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait mieux ce qu'il a voulu dans son livre. Mais nous croyons en tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné comme livre, En ce qui concerne ce que les juifs et les chrétiens possèdent aujourd'hui entre leurs mains, eh bien, il faut savoir que les livres qu'ils possèdent actuellement sont des livres qui ont été falsifiés et changés. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils possèdent entre leurs mains aujourd'hui, comme la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ce ne sont pas les feuilles d'Ibrahim, ni les feuilles de Moussa, ni la Torah, ni l'Injil de Isa, mais c'est des livres qui ont été falsifiés et changés. Donc ça, il faut être au courant de ça. Et que, donc, s'ils nous montrent des choses dans ces livres-là, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement ce que les prophètes d'Allah ont ramené, mais c'est des choses qui ont été falsifiées ou changées. C'est-à-dire que les rabbins, ou les moines, ou les scribes, parfois ils ont rajouté, et parfois ils ont enlevé des choses. Parfois ils ont déformé des choses. Donc il faut donc faire attention par rapport à ça. Donc qu'est-ce qui est obligatoire pour nous lorsqu'on dit qu'on doit croire en ces livres-là, c'est-à-dire croire en leur révélation et croire en leur forme à l'origine, comment ils avaient été révélés sous leur forme authentique. C'est ça qu'il faut croire. Toutefois, les livres actuels qu'ils possèdent maintenant, ce ne sont pas les mêmes, hein, que les prophètes ont ramené à l'origine, ils ont été changés et falsifiés. Et une des raisons pourquoi ces livres-là ont été changés et falsifiés, eh bien, c'est parce que de toute façon, ils n'avaient pas été révélés pour être appliqués pour jusqu'à la fin des temps. C'était des révélations qui étaient limitées à une période et à un peuple spécifique. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le dernier des livres, qui est le Coran, pour être appliqué et suivi jusqu'à la fin des temps. Donc si les livres précédents ont été changés ou falsifiés, eh bien ça ne dérange pas, puisque il y a le Coran qui est venu abroger les livres précédents de toute façon. Et c'est pour ça que le cheikh, il mentionne l'exemple du dernier des livres auquel on doit croire, et c'est le Coran al-Azim, الذي أنزله الله على نبيه محمد خاتم النبيين. C'est-à-dire le Coran, hein, le Coran que Allah a révélé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes, le sceau des prophètes. Et le cheikh, il dit à ce sujet-là, وهذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته آمين هو أشرف وأعم الكتب وأنفعها وأقومها قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة فغضب عليه الصلاة والسلام لأنه لا يمكن أن يوجد أهدى من القرآن وفيه كفاية عن كل ما سواه. Donc le cheikh, il explique ensuite que ce livre, le Coran, et on demande à Allah qu'il fasse, hein, que je sois ainsi que vous-même parmi les gens qui vont le suivre et le réciter et le suivre correctement. Et il dit, c'est le plus noble et le plus général de tous les livres, le plus bénéfique et le plus droit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 9, dans surat al-Isra, et ce Coran guide vers ce qui est, hein, le plus droit. Guide vers ce qui est le plus droit. Et il a été rapporté également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu entre les mains de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu une page de la Torah, et il a été en colère lorsqu'il a vu ça, parce qu'il savait qu'il n'y avait rien qui est plus droit et il n'y avait pas une plus grande guidance et quelque chose qui était meilleur que le Coran, et que dans le Coran il y a ce qui nous suffit. Et comme il a dit même à cette occasion là il a dit à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, لو كان موسى حيا ما كان إلا أن يتبعني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, à Omar ibn al-Khattab à ce moment-là, quand il l'a vu avec la page de la Torah, il a dit, même si Moussa alayhi salam était vivant aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. Donc ça veut dire que même si on avait la Torah authentique et l'Injil authentique, ça ne voudrait pas dire qu'on aurait le droit de les suivre malgré tout, puisque ces révélations précédentes sont abrogées par la révélation du Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, à propos du Coran, dans les versets 185 dans Surat al-Baqarah et 48 dans Surat al-Ma'ida, il dit « Hudan lil-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan » Et il dit dans l'autre verset « Musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhayminan alayhi » Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit le Coran en disant que c'est une guidance pour les hommes et des preuves claires de la guidance et du discernement. Et il mentionne dans le verset dans Al-Ma'ida que c'est un livre qui vient confirmer ce qui était révélé auparavant et qui a le dessus sur ce qui était auparavant, c'est-à-dire qui vient abroger ce qui était révélé auparavant. Et le cheikh, il explique ça en disant « يعني قوله هدى للناس أي كلهم ونقول إن الله تعالى تارة يقول هدى للناس وتارة يقول هدى للمتقين والجمع بينهما أن الأول فهو هداية الدلالة وهي هدى للناس كلهم وأن الثاني هو هداية التوفيق. Donc le cheikh il dit que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit que c'est une guidance pour les hommes, c'est-à-dire pour tous les hommes, les mécréants et les croyants. Et dans ce sens-là, ça veut dire donc tout le monde, hein, tout le monde est guidé par cette révélation-là. Et dans l'autre verset, dans d'autres versets, Allah il dit que c'est une guidance pour les muttaqin, ceux qui ont at-taqwa, ceux qui sont pieux, ceux qui sont croyants. Donc comment on réunit entre ces deux versets? Un verset qui dit que c'est une guidance pour tous les hommes, puis l'autre qui dit que c'est une guidance pour les pieux. Comment on réunit ces deux versets-là? Eh bien, le cheikh, il explique qu'en réalité, la guidance, c'est dans deux sens. Quand il est mentionné, quand on mentionne, ou quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la guidance dans le Coran, il mentionne la guidance dans deux sens. Soit qu'il veut dire par la guidance du fait de montrer, hein, d'orienter vers le droit chemin, de montrer aux hommes le droit chemin, de leur donner les preves claires et d'essayer de leur prouver la vérité en mentionnant les preuves, ça c'est qu'est-ce qu'on appelle hidayatud dilala. Hidayatud dilala. Ça c'est de montrer et d'indiquer aux gens le droit chemin et la vérité. Et ça, tout le monde est touché par cela, c'est-à-dire tout le monde est guidé dans ce sens-là. Les croyants et les non-croyants. Hein? C'est comme, par exemple, si quelqu'un est dans la rue, il te demande le chemin pour aller à tel endroit. Hein? Tu vas lui montrer le chemin. Tu lui dis, tu vas aller tout droit, puis après, quand tu arrives à tel endroit, tu vas trouver la place, c'est à droite, ou bien c'est à telle place. Tu lui montres le chemin. Donc, hidayatud dilala, c'est dans le sens de montrer le chemin. Tandis que hidayatud tawfiq, hein, c'est dans l'autre sens, c'est hidayatud tawfiq, c'est-à-dire l'acceptation de la guidance, l'acceptation de la vérité. Et ça, c'est seulement les pieux, seulement les gens qui croient en Allah qui l'acceptent, la guidance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui est capable de donner cette guidance-là, de faire accepter à quelqu'un la vérité et d'ouvrir son cœur et de mettre la foi dans son cœur. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de faire ça. Ni le prophète, ni les ulama, ni les du'ats sont capables de faire ça. Personne, excepté Allah. Tandis que Hidayatul Irshad, tout le monde est capable. Tout le monde qui a du ilm, tout le monde qui connaît, que ce soit le messager, sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit les sahaba, que ce soit les ulama de la umma, ou les du'at, ou les tullab al-ilm, tous ceux qui ont de la connaissance et qui sont capables d'établir la preuve et de montrer aux hommes la vérité, ils sont tous capables de guider dans ce sens-là. Hein? Hidayatud dilala, c'est-à-dire l'orientation, et de montrer aux gens où se trouve la vérité et où est le droit chemin. Donc c'est comme ça qu'on peut réconcilier ces deux versets-là. Et c'est la même chose de qu'est-ce qu'on expliquait aussi dans Kitab al-Furqan l'autre jour, quand on mentionnait le verset Innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha, et l'autre verset dans lequel Allah dit wa innaka la tahdi ila sirat al-mustaqim, wa innaka la tahdi ila sirat al-mustaqim, et dans l'autre verset innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Donc dans un verset Allah dit innaka la tahdi, tu guides vers un droit chemin, et dans l'autre verset innaka la tahdi man ahbabta, tu ne guides pas celui que tu aimes. Donc comment on réconcilie ces deux versets? C'est la même chose. Dans un des versets on parle de hidayatu dilala, et dans l'autre verset on parle hidayatu at-tawfiq. Hidayatu at-tawfiq, c'est la guidance du cœur. C'est seulement Allah qui peut guider. C'est pour ça que Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux pas guider celui que tu aimes. Tu peux pas mettre la foi dans son cœur. Mais dans l'autre verset, wa innaka la tahdi ila sirat al-mustaqim, c'est-à-dire c'est toi qui guides vers le droit chemin, dans le sens que tu peux indiquer aux hommes les preuves et leur montrer le droit chemin, dans le sens de les orienter vers le droit chemin. Mais la guidance du cœur, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le faire. Ensuite, le shaykh, il dit « Wa qawluhu wa bayyinatin min al-huda wal-furqan » ay alamat, yani bayyinat, yani alamat. Bayyinat, wadihat. من الهدى والفرقان والهدى أي العلم النافع والفرقان أي ما يفرق به بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب وبين الجور والعدل وبين أولياء الله وأعداء الله ولهذا لا تجد فرقانا أكثر مما في القرآن الكريم والإنسان إذا آتاه الله الكتاب يعني القرآن حصل له من الفرقان ما يكون إشكالا كبيرا في حق غيره وإذا أردت أن تزول عنك الإشكالات فعليك بالقرآن فإن القرآن فرقان يفرق بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب وبين الجور والعدل وأولياء الله وأعداء الله فلا شيء أعظم من فرقان القرآن أبدا ولكن بسبب إعراض الناس عنه وانشغالهم بغيره صاروا لا يجدون ذلك الفرقان الذي يتبين لهم به الحق لأنهم معرضون وإلا والله لو رجعوا للقرآن الكريم لوجدوا الفرقان الذي يفرقون به بين الحق والباطل بل إن الله يجعل في قلب العبد نورا يمكن أن يهتدي بما يكرمه الله به من العلم. Donc le cheikh il dit que c'est des preuves claires, hein, des preuves claires, c'est-à-dire des signes, des clarifications, des preuves évidentes de la guidance et du discernement. Et il dit que la guidance c'est la science bénéfique et que le discernement c'est la chose, c'est-à-dire al-furqan, c'est la chose par laquelle on arrive à distinguer entre la vérité et le faux, entre le mensonge et la vérité, entre l'injustice et la justice, entre les alliés d'Allah et les ennemis d'Allah. Et c'est pour ça que tu ne vas pas trouver de discernement plus clair et meilleur que le Coran al-Karim. Il dit que l'homme, hein, n'importe quel homme, n'importe quelle personne, s'il reçoit le Coran, Allah lui donne le Coran, hein, c'est-à-dire il profite du Coran et de qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran, il va avoir un discernement, hein, Et il dit, si tu veux, dans ta vie, si tu as des conflits ou des problèmes ou des choses dans lesquelles tu as de la difficulté à distinguer qu'est-ce qui est vrai ou non, il dit, si tu regardes dans le Coran, tu vas trouver une distinction et un discernement entre la vérité et le faux, la vérité et le mensonge, entre l'injustice et la justice, entre les alliés et les ennemis, les alliés d'Allah et les ennemis d'Allah. Et il dit, il n'y a pas de plus grand discernement que cela. Mais les gens, malheureusement, se détournent du Coran. Et ils sont distraits et préoccupés par d'autres choses au point où ils ne retournent pas au Coran, malheureusement. Mais s'ils retournaient au Coran, ils y auraient trouvé ce avec quoi ils auraient pu facilement trancher entre la vérité et le faux. Et Allah subhanahu wa ta'ala également, il met dans le cœur du serviteur une lumière par laquelle il est capable de se guider et par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'honore par la science. Hein? Donc ça, c'est bénéfique de comprendre ça et de savoir ça. Et c'est triste qu'à notre époque, les gens, comme le cheikh il le dit, au lieu de chercher la guidance dans la révélation et dans le Coran, d'essayer de l'étudier, de le lire pour le comprendre dans le but de l'appliquer, et au lieu de ça, ils cherchent la guidance ailleurs. Même que parfois, ils cherchent la guidance dans les livres des philosophes, dans les livres des koufars même parfois. Ils prennent leur guidance chez ces gens-là. Et ils prennent le Coran juste comme un livre pour lire, comme pour la baraka seulement. Juste pour la baraka. Ils récitent les versets et les lettres juste pour les hasanat. Pas pour être guidé, pas pour le suivre. C'est ça qui est dommage et qui est triste. Comme si ici il veut de la guidance dans l'économie, il va lire Karl Marx. S'il a besoin de guidance dans la politique, il va lire, tel ou tel philosophe, ou tel penseur, Jean-Jacques Rousseau, je ne sais pas qui. Et s'il cherche de la guidance dans les questions autres, Il se base sur je ne sais pas quel autre penseur parmi les koufars, mais il laisse de côté le Coran. Le Coran, il le met dans sa bibliothèque comme une décoration. Mais quand il a besoin de guidance dans sa vie, il demande à n'importe qui, même à des koufars qui ne savent même pas comment se purifier ou comment adorer Allah. Il laisse ça de côté. Il pense que la religion, c'est juste il y a un aspect qui est, il y a certains aspects qui se limitent à certaines choses, puis le reste de la vie, hein, comme les gens qui croient à la laïcité, c'est juste la religion, c'est juste à la mosquée. En dehors de la mosquée, il n'y a pas de place pour la religion. Donc le cheikh il dit ensuite, wa musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab wa muhaiminan alayhi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit قوله فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب المراد به الجنس من الكتاب اي من الكتب فكل ما بين يديه من الكتاب فهو مصدق لها وسبق معنى التصديق لما بين يديه وقوله ومهيمنا عليه وهذه فيها دليل على ان القران ناسخ لما قبله وأن كل ما خالف القرآن في الكتب السابقة فالقرآن حاكم ببطلانه ومعنى الهيمنة السيطرة والسلطة التامة وهذا يقتضي أن جميع ما في الكتب السابقة منسوخ بهذا القرآن الكريم وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن شريعة من قبلنا إذا ورد شرعنا بخلافها فهي منسوخة واختلفوا فيما إذا لم يرد شرعنا بخلافها فقيل إنها شرع لنا وقيل لا والمسألة مبسوطة في أصول الفقه. Donc le cheikh il explique que le fait que le livre soit c'est-à-dire le Coran viennent confirmer ce qui a été révélé auparavant. On l'a expliqué tout à l'heure, qu'est-ce que ça voulait dire. Hein? Ça veut dire soit qu'il il confirme les livres précédents par rapport au fait que les livres précédents l'avaient annoncé, ou bien qu'il confirme les livres précédents dans le sens que il mentionne la véracité des livres précédents. Et le fait que Allah dise ensuite, par la suite, il dit « wa muhaiminan alayhi ». Muhaiminan, ça veut dire que le Coran, il est venu maintenant abroger les livres précédents. Donc tout ce qui est contraire au Coran dans les livres précédents, dans la Torah ou dans l'Injil ou dans Az-Zabour ou n'importe quel autre livre, eh bien le Coran établit sa fausseté et que c'est annulé. Et le terme Haymana en arabe, ça veut dire Saytara ou Sultan al-Tam, c'est-à-dire le pouvoir absolu. Donc ça veut dire que le Coran, il a le pouvoir absolu sur les livres précédents. Et c'est comme pour dire qu'il vient annuler ou abroger ce qui le contredit. Ça implique donc que les livres précédents sont abrogés par le Coran. Et les ulama sont tous d'accord à l'unanimité, hein, il y a un consensus des ulama de l'islam sur le fait que les lois des livres précédents, si elles contredisent quoi que ce soit de ce qui est révélé dans notre loi, c'est-à-dire dans le Coran, alors elles sont abrogées. Tandis que les ulama ont divergé si ce qui est mentionné dans les livres précédents n'est pas en contradiction avec ce qui est dans le Coran. Est-ce qu'on doit le prendre dans ce cas-là? Est-ce que c'est une loi pour nous aussi, si ce n'est pas en contradiction avec le Coran? Et le cheikh, il dit « qilala », hein, certains ulama ont dit non. Et certains ulama ont dit oui. « Faqila innaha shar'un lana wa qilala ». Donc certains ulama ont dit oui, et d'autres ulama ont dit non. Dans les livres précédents, il y a des choses qui ne contredisent pas le Coran, est-ce que c'est une loi pour nous aussi? Dans ce cas-là, certains ulama ont dit oui, certains ulama ont dit non. Et ça, c'est des sujets qui sont élaborés, hein, et mentionnés en détail dans les sujets, dans les livres qui parlent du sujet qu'on appelle en arabe usulul fiqh. Usulul fiqh. Donc, c'est-à-dire, il y a une branche de la science islamique qu'on appelle les fondements du fiqh. Et dans ces livres-là, les ulama traitent de ce genre de sujet, de ce genre de questions-là. Et ils mentionnent, s'il y a des divergences sur ce sujet, ils vont les expliquer et ils vont mentionner les preuves de chaque position et ils vont prendre position, c'est-à-dire mentionner ce qu'ils considèrent être plus près de la vérité selon les preuves qu'ils ont rapportées et qu'ils ont mentionnées. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin, il a plusieurs livres de Usul al-Fiqh. Il y a un livre qu'il a écrit qui s'appelle Al-Usul min Ilm al-Usul. C'est un très bon résumé. Puis il a fait le charh de ce livre-là aussi. Puis il a aussi un autre livre qui s'appelle charh al-Tahrir. C'est un autre livre de Usul al-Fiqh qui est connu. Il a fait l'explication, mais il l'avait pas complété au complet. Il l'avait pas fini. Mais c'est un livre très bénéfique aussi. Donc ces sujets-là sont mentionnés, sont expliqués dans ces livres-là. On va s'arrêter, nous, pour aujourd'hui, à ce point-là. On continuera demain, bi'idhnillah, la suite. Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa iyyakum.